prennent que les poètes ont disparu. Hola, esto es una nueva edición de La Chanson, el programa de canción francesa de Radiopolis. La foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur. Hoy me llamo Andrés y hoy nos acompaña a la técnica Samuel. Parfois on change un mot, une phrase, et quand on est à court d'idées, on fait la la la la la la. Se acerca el verano para muchos tiempos de vacaciones y para algunos tiempos de viajar, aunque a veces es mejor no viajar en verano para evitar aglomeraciones y precios abusivos. El verano sigue siendo el tiempo por excelencia del viaje. Muchas canciones nos hablan de viajar, desde la idea hasta las circunstancias del viaje en sí. Empezaremos nuestro recorrido por una canción que se llama Destination Ailleurs, que se podría traducir por Destino a otra parte, de Yannick Noah. Sí, el famoso Yannick Noah, el prestigioso tenista franco-camerunés, que hace tiempo dejó la raqueta por el micrófono y dejó de ser también la personalidad preferida de los franceses. Seguramente por sus polémicas declaraciones, pero no las en contra de los deportistas españoles, sino otras que están polémicas. Este tema salió en el tema que vamos a escuchar, salió en el álbum Charango en el año 2006, que vendió a más de 1 millón de ejemplares. Y podemos decir que la reconversión de Yannick Noah ha sido un éxito, aunque últimamente pierda un poquito de popularidad. Esta canción habla de la necesidad de viajar, de dejar su vida habitual, dejar a los niños, el coche y la ciudad, la televisión y el móvil. Poco importa a dónde ir, pero hay que irse y soltar todas las amarras, dejarse llevar y disfrutar de la compañía. Escuchamos Destination Ailleurs de Yannick Noah del año 2006. On laisse nos chaussures au placard et on prend la guitare, un CD de Marley. On laisse les enfants aux parents, on prendra tout notre temps. Je te garde pour moi. De Paris ou d'ailleurs, si tu me suis, on prendra le meilleur, tout est permis. Et si ça nous va bien, fermer un peu la porte, oublier un peu les autres, la voiture et la ville. On pourrait couper la télé, nos deux portables et s'en aller, toi et moi pour une fois. De Paris ou d'ailleurs, si tu me suis, on prendra le meilleur, tout est permis. Et si ça nous va bien, c'est peut-être pas mal aussi. De Paris ou d'ailleurs, si tu me suis, on prendra le meilleur, destination ailleurs. Uno se puede ir a cualquier parte, pero todos tenemos en la cabeza lugares que nos atraen, aunque sea solo por sus exóticos nombres o que representen algo especial que deseemos conocer. Henri Salvador es una leyenda de la canción francesa que escuchamos aquí por primera vez. De padres antillanos, nació en la Guayana francesa y murió en el 2008 a los 90, después de más o menos 75 años de carrera. Fue uno de los máximos exponentes de la canción humorística. Es también un jazzman de primera. Un excelente músico que compone la música de este tema mítico de Syracuse. Siracusa, una ciudad mágica del sur de Italia. Me gustaría tanto ver Siracusa, la isla de Pascua y Kerouan, los jardines de Babilonia. Soñar con los amantes de Verona en la cumbre del Fujiyama. Antes de que se gaste mi juventud, me gustaría tanto ver a Siracusa para recordarla en París. Escuchamos Syracuse de Henri Salvador del año 1962. J'aimerais t'en voir Syracuse, l'île de Pâques et Kerouan, et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent, voir les jardins de Babylone et le palais du grand lama, rêver des amants de Vérone au sommet du Fujiyama, voir le pays du matin calme, aller pêcher au cormorant et m'enivrer de vin de palme en écoutant chanter le vent. Avant que ma jeunesse s'use et que mes printemps soient partis, j'aimerais t'en voir Syracuse pour m'en souvenir à Paris. Jeunesse s'use et que mes printemps soient partis, j'aimerais t'en voir Syracuse pour m'en souvenir à Paris. Seguimos con los lugares exóticos con la canción siguiente, On ira

aller chercher fortune. Oh, partir sans rien dire, vivre en s'en allant et en s'envolant. L'argent serait du vent. Seguimos conjugando el verbo partir con la canción siguiente, Je pars, de Nicolas Perrac. Escuchamos ya este hombre con la canción Et mon père, y los dos el mismo año, 75, fueron unos tremendos éxitos. En ese caso, la manera de largarse de Nicolas Perrac es el avión. El vuelo de noche se va, destino Bahía, destino Buenos Aires o Cuba. Paso página, digo adiós, recordaré tu cariño, cuida de París. Quizás vuelva algún día, cambio de camino, cambio de tiempo. Escuchamos Je pars de Nicolas Perrac del año 75. Le vol de nuit s'en va, Asunción, Bahia, Buenos Aires ou Cuba. Ah, prends soin de l'opéra, de la rue des Lilas. Cette fois, ah, je tire un trait, je ferme la valise. Destination Zagreb, via Venise. Je souffle la bougie, je me dessine une folie. Les doigts croisés sur l'infini, je dis salut. Et peut-être qu'un jour, je serai de retour. Peut me dire comment l'exil vient aux errants. Ah, le vol de nuit s'en va. Destination Bahia, Buenos Aires ou Cuba. Je pars, prends soin de l'opéra. Je garde ta tendresse, me tiendra chaud le temps qu'il me reste. J'ai la gueule trop pâle qui rêve de lune et d'étoiles. Cette fois-ci je mets les voiles, je dis bon vent. Peut-être à demain, n'oubliez pas frangin. Je change de chemin, je change de beau temps. El gran Francis Cabrel, título su segundo álbum, Les Chemins de Traverse, Los Atajos o Fuera de los Caminos Trillados. Canción que da el nombre a ese álbum, que bien podría ser una metáfora de su trayectoria artística, porque sigue viviendo en el pueblo donde nació y cada X años saca un álbum que suele ser un éxito. Dice, cada uno tenía su guitarra, estábamos cerca de una estación de tren, es el azar, cuando cayó la noche en la vía del tren estábamos lejos de la ciudad y cuando nos soltaron a los perros no cambiaron nada. Porque el único oficio que nos gusta es la bohemia y el viaje. Escuchamos Les Chemins de Traverse de Francis Cabrel del año 1979. Moi je marchais les yeux par terre, toi t'avais toujours le nez en l'air, et c'est comme ça qu'on s'est connus. On avait chacun sa guitare, on n'était pas loin d'une gare, c'est le hasard qui l'a voulu. Et tu m'as dit quand leurs ailes sont mortes, les papillons vont où le vent les porte, on a pris le premier chemin venu. Et quand la nuit est tombée sur la voie ferrée, on était bien loin de la ville. On n'entendait que des notes et le bruit de nos bottes sous la pleine lune immobile. On a traversé les semaines comme de vraies fêtes foraines sans même penser au retour. On s'est perdu dans les nuages comme les oiseaux de passage à suivre les filles d'un jour. Et pour ne pas que des fous nous renversent, on prenait les chemins de traverse, même s'ils ne sont jamais les plus courts. Et quand la nuit tombait sur la voie ferrée, on était bien loin de la ville. On entendait que des notes et le bruit de nos bottes sous la pleine lune immobile. Et quelquefois je me souviens de ceux qui nous ont lâché les chiens et jeté des pierres au visage. Ils n'ont rien empêché quand même, puisque le seul métier qu'on aime, c'est la bohème et le voyage. Et quand la nuit va tomber sur la voie ferrée, on sera bien loin de la ville. On n'entendra que des notes et le bruit de nos bottes sous la pleine lune immobile. Et quand la nuit va tomber sur la voie ferrée, on sera bien loin de la ville. On n'entendra que des notes et le bruit de nos bottes sous la pleine lune immobile. Seguimos con Jean Leloup. Jean Leloup es un artista quebequés de 55 años, un tanto iconoclasta y de culto. Lleva tiempo diciendo que lo deja, lo que hace que cada uno de sus estrambóticas apariciones es un evento señalado en el mundo musical canadiense. Vamos a escuchar Viajero, vamos a escuchar Voyageur, que significa viajero. Sombría es tu soledad, viajero, en la estación de ninguna parte. Esperas tu próxima salida. No estará la que buscas y que no existe. Por la ventana con vaho ves el paisaje que desfila, los postes y los campos de trigo. Éramos felices los dos. Solo te quedan unas horas, viajero. Pronto mueres. Solo un viaje un poco más lejos. Escuchamos Voyageur de Jean Leloup del año 2014. Ta solitude de voyageur, pauvre guerrier sans peur. Dans la gare de nulle part, tu attends ton prochain départ. Où elle n'y sera pas, celle que tu cherches et qui n'existe pas, et qui n'existe pas. Nous étions heureux tous les deux, disaient les amoureux. Et toujours le temps passe. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est la mort qui grimace. C'est la mort qui grimace. Sombre est ta solitude de voyageur, pauvre guerrier sans peur. À travers la vitre embuée, tu vois le paysage qui défile. Les poteaux de téléphone et les fils, et enfin les champs de blé qui te prennent à rêver. Qui te prennent à rêver. Te rappelles-tu la table en fleurs? Ta mère et tes sœurs, ton père, ils sont des honneurs. Sombre est ta solitude de voyageur, comme tu pleures pour tu fais, tu sens ton cœur. Il ne te reste plus que quelques heures, voyageur. Bientôt tu meurs. Bientôt tu meurs. Après-demain comme avant-hier, tout retourne à la poussière. Et ne subsiste que le destin de tes passages dans les trains, de ton visage et du sien, de tes pas sur les chemins. Dors tranquille, ce n'est rien, juste un voyage, juste un peu plus loin. Nous étions heureux, tous les deux, disaient les amoureux. Et toujours le temps passe, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu vois la mort en face, c'est la vie de la grimace. Et toujours le temps passe, quoi, un corbeau qui passe dans les ciels, et moi, où sont les hirondelles? Tu vois la mort en face, quoi, un corbeau qui passe dans les ciels, et moi, où sont les hirondelles? Nous étions quoi, corbeau qui passe dans les ciels, et moi, où sont les hirondelles? Quoi, quoi, corbeau qui passe dans les ciels, et moi, où sont les hirondelles? Nous, et toujours les hirondelles. Escuchemos ahora el femenino voyageuse, viajera, de Michel Jonas. En ese caso no habla de él mismo, como Jean Leloup, sino de una compañera de viaje en el tren que encontró en su departamento. Entró usted en el departamento, el viaje tendrá el azul de sus ojos, viajera. Cada minuto será delicioso. Tengo el corazón tan cerca de sus rodillas, viajera. ¿Quién es usted? Dejé pasar mi estación. Esperaré como un ladrón espera su hora, viajera. ¿Le gustaré? Escuchamos Voyageuse de Michel Jonas del año 1975. Un porteur m'a fait descendre la vitre pour hisser le cuir fauve de trois valises. Et vous êtes entré dans le compartiment. Le voyage aura le bleu de vos yeux. Voyageuse, chaque minute sera délicieuse. Voyageuse, en face de vous, j'ai le cœur déjà si près de vos genoux. Voyageuse, qui êtes-vous? Voyageuse, chaque minute sera délicieuse. Voyageuse, voyageuse. Vers un homme fumant des cigares anglais, vous n'avez jeté qu'un lointain regard. Le chaos du train vous endort tout à coup. J'ai laissé passer la gare de Nemours. Voyageuse, pour Florence et ses doigts de cuivre, toute ma vie, rien qu'à vous suivre. J'ai le cœur déjà si près de vos genoux. Voyageuse, réveillez-vous. Voyageuse, je porterai tout le cuir fauve des valises dans votre alcôve. J'attendrai comme un voleur attend son heure. Voyageuse, une douce chaque minute sera délicieuse. Voyageuse, en face de vous, j'ai le cœur déjà si près de vos genoux. Voyageuse, m'aimerez-vous? Voyageuse, chaque minute sera délicieuse. Voyageuse, voyageuse.